premier temps d'une série d'émissions sur la deuxième ville de France, Lyon, dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, l'identité lyonnaise au fil de son histoire. Il y a quelques semaines de cela, début janvier, nous nous intéressions à l'histoire de Marseille, puis nous approchions la semaine suivante des métamorphoses de la région du Nord et des Flandres. Cette semaine, nous allons interroger l'histoire de Lyon, généralement résumée au catholicisme, à la gastronomie, à la soierie et au guignol, et plonger dans d'autres histoires, celles par exemple de mystérieux souterrains lyonnais en forme d'arêtes de poisson, sur le thème du documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury demain, celle de la ville assiégée sous la Révolution française. Ce sera mercredi et celle du protestantisme, c'est jeudi dans la fabrique de l'histoire. Et aujourd'hui, dans une émission co-animée par Victor Massé de Lépinay qui a préparé cette semaine avec nous, nous nous intéresserons donc à l'identité lyonnaise avec le directeur des musées d'histoire de la ville de Lyon, le musée Gadagne, Xavier de Lasselle, et avec la géographe Isabelle Lefort, professeure à Lyon 2. C'est à la mulatière qu'ils se sont rencontrés. Le fleuve et la rivière ont vu le temps couler sous les ponts de Lyon. Depuis mille et mille ans, savez-vous les enfants ce qu'ils ont vu chez nous? Ils ont vu les cités des Gaulois, sur les eaux passerelles de bois, et les ponts de pierre des Romains, bâtisseurs de l'Empire latin. Lyon, c'était l'Ugdunum, aqueduc et forum. Au pied de la colline, on sacrifiait Blandine. Mais après les années 1620, où le vœu des puissants échevins guérit la ville du choléra, sur la colline alors s'éleva Notre-Dame de Fourvière, et depuis chaque hiver s'allume dans Lyon des milliers de lampions. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Victor Massé de Lépinay, donc vous co-animez cette émission avec nous, et Xavier de Lasselle, vous êtes avec nous comme premier invité de cette émission du lundi. Alors on disait les idées reçues, ben voilà un texte, une chanson de René Mailloux qui s'appelle « C'est à la mulatière », un 33 tours de 1978 qui, disons, met en avant tout ce que l'on croit savoir sur Lyon en l'occurrence, une ville gauloise, arrivée des Romains, et puis ensuite Sainte-Blandine, et puis ensuite, et ensuite, et ensuite, le choléra. Et évidemment, cela vient jusqu'au canut. On n'a pas le temps d'écouter la totalité de cette chanson. Donc beaucoup d'idées comme cela, qui sont des idées que les Lyonnais se racontent, que les autres racontent sur les Lyonnais aussi, en l'occurrence, Xavier de Lasselle. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a, comme beaucoup de villes, certainement, Lyon est une ville qui se raconte et qui cherche à se raccrocher à des emblèmes, à des mythologies. Qui cherche en permanence à se trouver une origine aussi, qui se raconte son histoire, et ça aussi, ça a une histoire. L'historiographie ou la manière dont Lyon a cherché à s'écrire son histoire, cette aventure a également une histoire. Alors, vous rajoutez une pierre à l'édifice, pourrait-on dire, avec l'exposition qui se tient au musée Gadagne, au musée d'histoire de la ville de Lyon, qui s'appelle « Lyon sur le divan ». Et qui se tient jusqu'au mois de juin prochain, qui a commencé au mois de novembre, et qui est donc une psychanalyse urbaine de la ville de Lyon, c'est cela ? Oui, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Le titre « Lyon sur le divan », on a longtemps hésité à savoir si on allait vraiment appeler cette exposition « Lyon sur le divan ». C'était un titre de travail qui est devenu un titre définitif. On a gardé le titre, on l'a quand même sous-titré « Les métamorphoses d'une ville », parce qu'à l'origine, c'était plutôt un projet de travailler sur l'urbanisme, sur la transformation de la ville, expliquer comment une ville se fabrique, comment elle se transforme. Et puis finalement, comme c'est un sujet qui peut être vite assez technique, un peu peut-être rébarbatif aussi, on a choisi de s'adresser à des artistes. Et donc c'est une agence de psychanalyse urbaine, c'est ça ? C'est ça, l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Et alors c'est pas très connu, c'est une agence qui est unique, évidemment, qui s'est intitulée dès l'origine de cette manière-là pour travailler sur une discipline qu'elle a inventée elle-même. Victor Massé de l'Épinay. Alors, il y a un double travail, donc un double commissariat. D'une part, un commissariat, on peut dire, artistique avec cette agence nationale de psychanalyse urbaine. Et d'autre part, un travail d'historien plus classique pour un musée d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, on n'a pas invité les gens de l'agence nationale de psychanalyse urbaine, mais comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils ont travaillé pour cette exposition sur Lyon sur le divan? Alors cette agence nationale de psychanalyse urbaine, ça existe depuis une dizaine d'années, c'est un collectif artistique qui s'est donné pour mission, comme ils le disent eux-mêmes, comme ils le revendiquent, de psychanalyser le monde entier. Donc en fait, ils se proposent d'arriver sur des territoires, d'essayer de les comprendre, de les ausculter, et ils utilisent le registre de la psychanalyse, d'un point de vue évidemment poétique, métaphorique, et pour nous ça a été important, intéressant de s'adresser à eux, et c'était une nouveauté pour eux de travailler avec un musée, et d'aboutir à une exposition, parce que d'habitude, quand ils travaillent sur un sujet comme ça, ils font plutôt une intervention théâtrale. Là, c'était nouveau, il s'agissait de faire une exposition ensemble. C'est quoi le ça urbain de Lyon, alors ? Ah, le ça urbain, il y a quelque chose de très refoulé et qui est très lié à la morphologie urbaine, au site très particulier des collines et des fleuves de Lyon, qui est une donnée de base, et effectivement, à partir duquel ils ont pu continuer à travailler sur la ville. Alors vous dites qu'il s'agit d'artistes. Dans le catalogue qui accompagne votre exposition, il y a par exemple un très habile arbre mytho-généalogique qui prend pour racine, pourrait-on dire, si on peut prendre racine dans un fleuve, le croisement évidemment de la Mulatière et de la Saône et du Rhône comme tronc d'origine, pourrait-on dire, qui se sépare en deux branches, la Saône d'un côté et le Rhône de l'autre côté, et qui tente comme ça, dans une forme d'arbre généalogique, de raconter ce qu'on croit savoir sur cette ville de Lyon. Le marécage, luxe, les collines, la rose, le banquet, les bouchons, la mer lyonnaise, la soie, Sainte-Blandine, et puis couronnant le tout, comme au sommet de l'arbre, on trouve les élus municipaux que sont Édouard Herriot, Louis Pradel, Francisque Colomb, Michel Noir, Raymond Barre et Gérard Collomb comme étant le couronnement politique, pourrait-on dire, de cette longue histoire de la ville de Lyon, en l'occurrence Xavier Lasselle. Oui, c'est ça. Le point de départ, comme tout bon psychanalyste, c'est de comprendre la généalogie et la parentalité aussi. Qui sont les parents de Lyon? Donc, ils sont partis, évidemment, de la Saône et du Rhône. Il y a l'origine romaine aussi, le statut de capitale aussi, qui a été donné dès l'époque romaine par l'Empire romain à la ville de Lyon. Et puis ensuite, effectivement, on progresse avec des points de repère qui reprennent les faits, qui ne sont pas seulement des mythes, hein, qui sont aussi des faits marquants qui ont véritablement conditionné l'histoire et le devenir de cette ville. Et le couronnement, comme vous le disiez, c'est les élus que la NPU appelle les grands-mères de Lyon, effectivement avec une galerie de portraits, avec les élus qui ont présidé à la destinée de la ville. Alors c'est amusant parce que dans cet arbre généalogique, je n'y vois, si on y voit bien sur la soie, mais on n'y voit pas ceux qui travaillent la soie, ceux qui, dans l'Écho de la Fabrique, le journal des Canuts lyonnais, le 24 mars 1833, écrivaient ceci: la question lyonnaise, c'est la question française, ce serait une grave et funeste erreur de croire que là, les fabricants fussent plus avides, plus méchants qu'autre part. L'antagonisme des diverses classes est plus visible à Lyon parce qu'il est resserré de manière à faire saillie, mais encore une fois, il n'est là au fond que ce qu'il est dans la société en général. Les ouvriers de Lyon ne sont ni pires ni meilleurs que ceux des autres villes, et si l'on retranche les vivacités qu'excitent l'atmosphère du Rhône et le soleil oriental, en vérité, on ne pourra rien dire des Canuts qui ne puissent se dire des froids cotonniers de Gand ou des tisserands de Courtrai. Donc d'une certaine façon, ce que disaient les Canuts eux-mêmes et les chefs d'atelier de cette soirée lyonnaise au début du 19e siècle, c'est tout compte fait que Lyon ne serait pas si différent que cela, et serait tout compte fait la pulsation locale d'une pulsation plus grande qui serait la pulsation de la France tout entière, et peut-être même de l'Europe, en l'occurrence Xavier de Lasselle. Alors évidemment, les Canuts, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre à la fois l'histoire de la ville, mais aussi sa géographie urbaine, puisque le quartier de la Croix-Rousse en particulier, qui n'était pas le seul quartier de la soie, mais qui était profondément marqué par la présence des Canuts. C'est à la fois, il faut le resituer dans l'histoire générale industrielle de la France, mais Lyon occupe une place quand même très particulière. Et même si, à partir de la fin du 19e siècle, les Canuts ont été mythifiés, aujourd'hui encore, quand on parle des Canuts, il y a une petite mythologie quand même autour des Canuts, mais il y a une réalité dans la deuxième moitié du 19e siècle qui fait que la ville de Lyon, à cette époque-là, à la plus forte concentration ouvrière en Europe et avec une production de soie qui représente la plus grande exportation de l'époque à l'échelle européenne, en tout cas pour la France. On est passé donc de 100 000 habitants au début du 19e siècle à 500 000 avant la Première Guerre mondiale. Une croissance exponentielle pour une ville industrielle et très industrielle, effectivement, dont on voit encore les marques de cette industrialisation dans le paysage urbain de Lyon, avec des conflits, avec des combats, avec, vous disiez, une mythologie, mais néanmoins une réalité, des conflits sociaux aussi à l'intérieur de cette ville de Lyon tout au long du 19e siècle. Et donc, cet écho de la fabrique qui s'est fait l'écho, justement, de ces combats au tout début du 19e siècle, un journal qui était hebdomadaire à l'époque et qui a été retranscrit, il faut le dire, et il faut conseiller à nos auditeurs d'aller y voir s'ils veulent en savoir plus, par l'École Normale Supérieure de Lyon et Ludovic Frobert sur un site formidable qui raconte justement toute cette histoire, plus longue que celle que je viens de dire, de ce combat des canuts lyonnais contre les fabricants, ceux qui les emploient en l'occurrence à domicile la plupart du temps. Oui, c'est le modèle de la fabrique qu'on appelait la fabrique lyonnaise. Et effectivement, l'écho de la fabrique, il y a une véritable originalité dans l'innovation sociale qui est créée à ce moment-là par les canuts. Il y a eu les révoltes de 1831, 1834, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette concentration ouvrière, elle met en proximité à la fois les canuts, les fabricants, dans les mêmes lieux, puisque contrairement à ce qui se passe partout en France dans la première révolution industrielle, à Lyon, on a des immeubles-usines, c'est-à-dire que les ouvriers habitent sur leur lieu de production. Et puis, il y a cette relation particulière avec les négociants fabricants qui leur achètent la production et ils mettent en place le mutualisme dans une organisation ouvrière, une publication, l'écho des fabriques. Et effectivement, c'est une grande originalité. Victor Massel-Lépiné. Oui, je voudrais revenir un peu à l'exposition Lyon sur le divan, puisqu'on parle aujourd'hui d'identité lyonnaise et de la place ou du rôle que tiennent les musées dans cette construction d'une identité. Je voudrais vous poser une question, c'est à qui s'adresse cette exposition ? Est-ce que elle s'adresse d'abord aux Lyonnais ou d'abord à des gens extérieurs qui voudraient connaître l'histoire de Lyon ? Et puis, s'il est sans doute trop tôt pour faire un bilan, comment est-ce que depuis 3 mois que cette exposition a ouvert, bientôt 3 mois, cette exposition est reçue par les Lyonnais ordinaires ? Est-ce qu'ils viennent y chercher quelque chose de leur identité ? Est-ce qu'ils y trouvent quelque chose ? Xavier de Lasselle. Mais effectivement, l'originalité de l'exposition, cette particularité d'associer un discours un peu décalé, poétique, même humoristique, hein, celui de la psychanalyse urbaine avec un discours plus scientifique, auquel on rajoute d'ailleurs un troisième regard, qui est celui des visiteurs eux-mêmes, puisque l'exposition intègre aussi des espaces pour que les visiteurs s'expriment, donnent leur avis sur la ville d'aujourd'hui. Par exemple, est-ce que la ville doit continuer à s'agrandir, s'étaler ou bien se densifier à l'intérieur ? Et donc, ça permet aux visiteurs habituels, ceux qui venaient traditionnellement au musée d'histoire de Lyon pour apprendre des choses ou retrouver une part de l'histoire de Lyon qu'ils connaissaient plus ou moins, ils trouvent aussi leur bonheur, puisqu'il y a des choses tout à fait classiques d'histoire, des documents, des œuvres. Et puis il y a ce regard sur la ville plus contemporaine, qui va jusqu'à aujourd'hui, qui n'est plus seulement un regard historique, mais qui est un regard aussi géographique, un regard sociologique, intéresse aussi des milieux différents qui n'avaient jamais mis les pieds dans ce musée. Ça peut être des trentenaires, des cadras qui sont des actifs, hein, qui habitent la ville, qui la pratiquent et qui l'apprécient et qui viennent y chercher, et ça on le constate assez bien, et qui viennent chercher des réponses à leurs questions du quotidien, pas simplement des questions d'origine historique. Alors, nous avons avec nous Isabelle Lefort. Bonjour Isabelle Lefort. Bonjour. Vous êtes géographe et professeur à Lyon 2 et vous avez travaillé très régulièrement pour essayer de comprendre la relation entre tourisme et identité régionale et locale de la ville de Lyon. Et en particulier, il y a quelques années, vous avez fait un travail qui s'appelait l'identité lyonnaise au risque de ces musées ou au fil de ces musées, je ne sais plus quel était le titre exact, dans lequel vous abordiez justement la particularité d'une ville qui était une très grande métropole, mais dont tous les musées ou presque étaient alors des musées municipaux. Aujourd'hui, on sait que certains vont devenir régionaux, avec en particulier le musée des tissus qui a été repris en partie par la région Rhône-Alpes. Mais en l'occurrence, vous évoquiez cet éclatement, cette multiplicité de petits musées qui, d'une certaine façon, ne permettait pas à un visiteur qui passait par Lyon, alors que se développait depuis le classement par l'UNESCO de cette ville en 1998 un tourisme plus nombreux, de véritablement comprendre ce qu'était cette ville par une institution unique, par exemple. Oui, tout à fait. La question muséale est une question avec laquelle on peut saisir, mon avis, de façon assez efficace, la construction identitaire d'une ville. Les musées lyonnais, vous disiez historiquement, étaient en nombre relativement réduit, c'est exact, et puis n'avaient pas une attractivité particulière dans la fabrication d'une destination, et en particulier d'une destination touristique. Ce qui, me semble-t-il, est important, c'est de mettre en concomitance chronologique la volonté de la ville et de l'agglomération, puis aujourd'hui de la métropole, de prendre sa place dans le cadre des destinations touristiques, dans le cadre des city breaks, dans le cadre de ce tourisme urbain qui scande les pratiques touristiques. Et de ce point de vue, la ville de Lyon a mené une politique de requalification, de rénovation et de création de ces musées pour construire, fabriquer une identité qui soit une identité à destination des populations touristiques, des flux touristiques, pour inscrire sa destination avec une singularité et une identité particulière. Il y a une relation très forte entre offre muséale et fabrication identitaire d'une destination urbaine. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Oui, alors comment cette construction identitaire s'articule avec l'extension géographique, puisque vous êtes géographe, Isabelle Lefort, l'extension géographique que vous avez évoquée, d'une ville qui s'agrandit sans cesse, Xavier de La Celle y a fait allusion aussi, et qui maintenant ne se pense plus que, ou ne se communique plus, j'allais dire, que comme Grand Lyon, c'est-à-dire un Lyon qui a englobé les communes avoisinantes de Villeurbanne, Vénissieux, Bron et oui, quelques autres. Est-ce que cette identité s'étend à toute cette grande zone géographique qui n'a peut-être pas forcément la même histoire que l'histoire du vieux Lyon ? Oui, tout à fait. La question est celle de la tension, enfin, une des questions, me semble-t-il, est celle de la tension entre une offre muséale qui est marquée par un hypercentre et ou un péricentre, je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez, lyonnais, et l'échelle métropolitaine. On peut considérer qu'il y a un très médiocre isomorphisme entre la maille muséale lyonnaise, la maille de l'offre muséale lyonnaise, et la maille métropolitaine. Les enjeux à l'heure actuelle sont de mettre en relation, de fabriquer quelque chose du point de vue de l'offre muséale qui fasse résonner réellement la taille métropolitaine. Alors ça s'est d'abord effectué par des apophyses péricentrales. Qu'est-ce que vous appelez des apophyses? Des apophyses péricentrales. Le cœur muséal lyonnais se situe essentiellement dans l'hypercentre lyonnais, dans l'hypercentre historique de la rive droite de la Saône et de la Presqu'île. À partir des années 90, les opérations muséales ont visé à élargir, à faire sortir l'offre muséale de ce périmètre, le périmètre sacré historique lyonnais, celui qui fabrique la mythologie urbaine dont vous parliez tout à l'heure en particulier, et d'identifier des pôles de cristallisation de cette offre. Je pense en particulier au musée urbain Tony Garnier, je pense aussi à l'Institut Lumière, hein, qui font sortir dans le 7e et dans le 8e arrondissement, enfin dans le 8e et dans le 7e respectivement, l'offre touristique et muséale. Donc il y a eu ce premier temps d'extension de la spatialité muséale qui construit une identité lyonnaise et qui participe de la fabrication de l'identité lyonnaise. Les frères Lumière ou la grande geste architecturale de Tony Garnier au musée urbain. Et puis les opérations muséales qui correspondent soit à la vaste opération de la Cité internationale au nord, soit à celle des confluences au sud. Une façon d'étendre le périmètre. Cela dit, le périmètre reste encore largement lyonnais par rapport à la fabrication de la métropole, même si effectivement des musées et de l'offre muséale, par exemple villeurbanaise, peuvent y interférer. Et puis je pense qu'il faudrait y rajouter aussi le principe de la mise en réseau, hein, qui excède là pour le coup la métropole. Je pense aux utopies réalisées, qui font valoir un patrimoine et une identité en particulier architecturale sur l'architecture du XXe siècle, mmh. avec Givor ou Firmini. Donc il y a une difficulté de positionnement à l'heure actuelle, me semble-t-il, dans cette offre, mais qui correspond à la tension même de la fabrication métropolitaine. Oui. Oui, alors justement, sur ce point, Xavier de Lasselle, vous avez vu arriver un nouveau musée, le musée des Confluences, donc au sud, là où se développent pour l'instant des opérations urbaines de la ville de Lyon, ce musée des Confluences qui d'un seul coup, alors je vais pas dire a tapé de façon très très très forte sur les musées plus anciens, dont le musée Gadagne, que les musées Gadagne que vous dirigez, mais d'une certaine façon qui a montré qu'il y avait une possibilité de faire venir beaucoup de monde dans des musées à Lyon, là où vous pensiez qu'il y avait, disons, une fréquentation bien moindre, puisque vos musées multiples, musée de l'imprimerie, musée de l'automobile, musée Gadagne ou le musée des marionnettes, par exemple, ne cumulent pas autant de monde en les ajoutant tous les uns après les autres, que ce que les Confluences ont fait depuis. Oui, tout à fait, mais effectivement, et je vais aller dans le même sens que ce que vient de dire Isabelle, c'est que l'arrivée du musée des Confluences, et d'ailleurs je fais une parenthèse, le fait de l'appeler musée des Confluences l'ancre véritablement le territoire au moment où le quartier qui s'est longtemps appelé le quartier Perrache s'appelle le quartier des Confluences. Mmh. Et cette arrivée a bouleversé complètement le paysage muséal, commence à faire apparaître, je pense, la ville de Lyon comme une destination possible pour venir visiter un musée. Il y a quelques années, les statistiques de tourisme montraient que 9 visiteurs sur 10 entendaient visiter, découvrir la ville, mais seulement 4 sur 10 visitaient un musée. Et là, aujourd'hui, je pense que tout a complètement changé, mais pas au détriment des musées existants, puisque en fait, on n'a pas constaté de baisse de fréquentation dans les autres musées. Donc, il y a vraiment un réservoir de personnes qui ont afflué vers les Confluences, mais pas forcément au détriment des autres. Ce qui est très intéressant quand on regarde l'exposition et en particulier les travaux des historiens qui ont participé à l'exposition Lyon sur le divan, qui est donc une exposition qui tente de comprendre l'extension urbaine de Lyon, ses échecs et ses réussites également. Et vous dirigez donc le musée dans lequel est exposée cette exposition Lyon sur le divan, Xavier de Lasselle. C'est de voir les retards d'une certaine façon. Il y a des gens au XVIIIe siècle qui s'appellent Morand ou qui s'appellent Perrache, qui sont de véritables urbanistes avant l'heure, des gens qui pensent dans ces lumières, dans ce monde des lumières, qui a beaucoup de travaux justement sur lesquels les gens s'attardent pour pouvoir réfléchir à l'augmentation urbaine, à l'assainissement des villes, à la création de grands mailles ou de grands boulevards ou de grands parcs qui permettent une hygiène plus grande dans les villes du XVIIIe siècle. Eh bien, vous en avez deux dans une ville aussi importante que Lyon, qui sont deux entrepreneurs qui vont entre l'entreprise privée, la municipalité, la cour du roi, tenter de faire quelque chose qui sera mis en application bien après leur mort. L'un est guillotiné en 1794 pendant la Révolution française, l'autre meurt très rapidement aussi avant la Révolution française. Et donc, ça n'est qu'après qu'on mettra en œuvre ce grand quartier Perrache et puis ce grand quartier des Brotteaux que voulait développer de l'autre côté du Rhône, la famille Morand, par exemple, Xavier de Lasselle. Oui, c'est très étonnant de voir ces deux projets concurrents finalement, Morand et Perrache arriver l'un en à l'est, même temps, l'autre au sud. La Perrache au sud, Morand à l'est, qui marque vraiment le début de l'urbanisme tel qu'on va l'entendre ensuite, et en dissociant d'ailleurs le fait de préparer des terrains, de les lotir, de les planifier et ensuite de les construire. Il y a quelque chose de presque utopique dans la proposition, notamment de Perrache. Et en fait, les Lyonnais et l'histoire a retenu leur nom, puisque de fait, leurs projets se sont plus ou moins réalisés, même si c'est beaucoup plus tard. Et ils ont donné leur nom au lieu qu'ils ont marqué de leur projet. Isabelle Lefort, c'est intéressant de voir que, la géographie très contrainte de la ville de Lyon, contrainte par le fait que c'était une ville frontière et qu'on l'a souvent oublié, une ville de frontière entre le Royaume de France et l'Empire, puisque la partie orientale de Lyon appartenait à l'Empire et que donc il n'y avait que la partie occidentale qui était sise sur le Royaume de France. C'est amusant de voir comment cette géographie très contrainte, les collines, les fleuves, etc., a fini par provoquer, vous qui êtes géographe et spécialiste d'urbanisme aussi, des utopies architecturales ou des utopies urbaines qui sont celles de dont on vient de parler, de Perrache, de Morand, ou au XXe siècle, celle de Tony Garnier qui va trouver en Édouard Herriot la possibilité d'exploiter son propre talent. Oui, vous avez une façon tout à fait intéressante d'entrer dans la question. Les opérations urbaines sont des opérations de conquête, sont des opérations d'appropriation. Ce sont des opérations qui permettent progressivement, par gros morceaux, là en l'occurrence dans le cas lyonnais, d'étendre le périmètre territorial, qui est le périmètre qui va progressivement se construire comme légitime, comme la bonne maille territoriale sur laquelle la puissance économique ou politique d'une ville se pose. Et ce qui est fascinant dans le cas lyonnais, c'est de voir que cette histoire est une histoire continuée depuis fort longtemps et qu'elle fonctionne par greffes successives. Et pour asseoir ces greffes, pour construire ces greffes, les opérations urbaines et les opérations urbanistiques installent des icônes, des moments spatiaux forts qui disent la ville à cet endroit-là. Tout à fait significatif de l'histoire lyonnaise. C'est-à-dire que ça n'est pas une progression régulière, c'est une progression dont on a l'impression qu'elle est par à coup. C'est-à-dire que Il y a des grands moments d'urbanisme et de lotissement de certains quartiers qui étaient considérés auparavant comme les Brotteaux, comme des quartiers insalubres où on ne pouvait pas s'installer. Il faut drainer des terrains, il faut construire des immeubles, etc. On va d'ailleurs les construire de façon très orthogonale, en l'occurrence sur cette partie de la ville de Lyon. Et donc, on fait un saut, et puis ensuite on attend un peu, et on fait un nouveau saut, et c'est ainsi que cet urbanisme se construit par sauts successifs, Isabelle Lefort. Oui, par saut, je dirais par prise spatiale, qui disent l'implantation, et qui progressivement et ultérieurement laissent se combler des interstices. C'est ça. De façon, oui. Cette façon de mener les opérations d'urbanisme par prises successives rend compte aussi d'une forme de polycentralité aujourd'hui dans la ville. Et dans l'exposition Lyon sur le divan au musée d'histoire de la ville de Lyon, Xavier de Lasselle, cette problématique des raccordements, cette idée qu'il faut toujours dans l'histoire de Lyon raccorder des quartiers qui ont poussé de façon un peu indépendante est quelque chose qui est au cœur de la deuxième partie de l'exposition, mais donc au cœur de cette psychanalyse de la ville de Lyon. Oui, tout à fait. Les psychanalystes se sont un peu amusés à utiliser toutes les métaphores et puis de jouer avec les mots sur les coutures, sur la ficelle qui est le nom donné au funiculaire aussi à Lyon, comment on raccorde le haut et le bas, hein, parce qu'il y a des collines, hein, le haut de la Croix-Rousse et le bas de la Presqu'île. Donc ça, effectivement, c'est une problématique permanente de faire de ces quartiers morcelés une ville plus unifiée. Thank you. L'Adagio du concerto pour violon en ut majeur de Jean-Marie Leclerc, compositeur lyonnais du XVIIIe siècle, interprété ici par Fabio Biondi au violon et à la direction, et l'ensemble Europa Galante. Donc, alors que nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire, dans la première émission de 4 émissions consacrées donc en ce lundi à l'identité de la ville de Lyon au fil de son histoire, à l'occasion d'une exposition qui se tient au musée Gadagne à Lyon et qui s'intitule Lyon sur le divan, qui fait une psychanalyse urbaine, mais aussi une histoire urbaine de cette ville de Lyon. Nos deux invités sont Isabelle Lefort, qui est au téléphone avec nous depuis Lyon, et Xavier Delasselle, qui en est le directeur de ces musées Gadagne. Victor Massel-Lépinet. Oui, on parle d'identité lyonnaise. On a évoqué depuis le début de l'émission plusieurs fois la place du tissu, le rôle des canuts, cette histoire dans l'imaginaire et dans l'identité de la ville de Lyon. Tout ça nous amène à l'actualité, puisque le musée des tissus a été récemment menacé, puis semble sauvé maintenant par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va en devenir le principal opérateur, le principal financeur. Isabelle Lefort, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce musée des tissus est important, j'allais dire particulièrement important dans l'identité lyonnaise, non pas simplement le passé des tissus de la ville, mais ce musée, la place qu'il occupe dans la ville et dans l'offre muséale à Lyon? Alors, le musée des tissus a traversé une période perturbée et compliquée ces derniers temps. Sa situation, effectivement, est désormais de nouveau stabilisée. C'était anciennement un musée consulaire géré par la Chambre de commerce. Par la Chambre de commerce de Lyon. C'était une de ses spécificités dans l'offre muséale. Alors, la soie, vous le disiez en entrée d'émission, la soie fait partie de ce qu'on pourrait appeler des mythèmes lyonnais. Toute ville raconte son récit, se projette dans son récit. C'est un récit continué qui est historiquement renouvelé et produit ses mythologies. Dans la mythologie lyonnaise, la soie tient une place tout à fait privilégiée en relation avec l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire nationale et internationale de la ville, puisque c'est par la soie que Lyon a très précocement entretenu des relations internationales avec le commerce. Donc la soie à Lyon est un élément fondateur de l'identité historique urbaine. Ce musée de la soie dit donc l'histoire par le principe de ses collections, et elles sont superbes, dit le passé par les collections, mais dit aussi l'activité contemporaine dans les transformations liées à l'économie du textile, et continue de renvoyer pour les Lyonnais et pour les non-Lyonnais à quelque chose de spécifique, de singulier. Donc tenir ce musée de la soie, ce musée des tissus, là où il est placé, c'est dans la presqu'île, dans l'hypercentre historique de la ville, constitue un élément fort, important, dans la structuration d'une offre muséale en relation avec l'identité lyonnaise. Oui. Xavier Delasselle. Mais effectivement, si aujourd'hui ce musée était porté par la Chambre de commerce, c'est parce qu'il a été créé par les industriels. Il a été créé et voulu par les soyeux lyonnais au 19e siècle. Il a constamment été porté par le milieu industriel. C'est ce qu'on sait combien les chambres de commerce aujourd'hui se séparent justement de ce type de musée ou de collection. C'est le cas aussi pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, qui se sépare de ses archives, qui vont maintenant être répartis un peu partout et essentiellement au musée des cultures de l'Europe et de la Méditerranée, au MUCEM. Donc on voit bien effectivement que beaucoup de ces opérateurs, qui sont des opérateurs historiques et qui étaient donc disons les grandes familles, en particulier soit marseillaises soit lyonnaises en l'occurrence, ne veulent plus gérer ce type d'établissement aujourd'hui. C'est cela aussi Xavier Delasselle, et donc le rendre aux collectivités territoriales. Alors d'un point de vue institutionnel, c'est un petit peu ce qui se passe, mais du point de vue de, comme le disait Isabelle Lefort à l'instant, l'attachement qui est porté par les Lyonnais à ce musée, mais plus largement aussi au milieu industriel actuel, parce qu'aujourd'hui, il y a bien sûr le sauvetage de ce musée, le projet qui est en train de naître, mais parallèlement, le milieu industriel du textile, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 30 000 emplois, continue à s'intéresser et à chercher à valoriser la filière qui souffre des valorisation de son image à travers le patrimoine. Et il y a des initiatives dont Zégadagne est également partie prenante pour organiser des événements. La soie fait partie des quatre atouts qui sont des quatre thématiques portées par la métropole avec la gastronomie, la lumière, la fête des lumières et le cinéma. La soie reste aujourd'hui l'image de marque à l'international. Bah, il faut dire aussi d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup de fabricants et que les seuls fabricants européens, enfin en tout cas français et peut-être même européens de soie sont dans la région lyonnaise. Donc ça n'est pas une histoire entièrement terminée. Elle continue à exister industriellement dans la région lyonnaise. Isabelle Lefort, sur justement cette identité qui est marquée, comme vient de le dire Xavier de la Selle, par trois ou quatre piliers très forts. La gastronomie, il n'y a pas d'ailleurs de musée de la gastronomie à Lyon, ça viendra bientôt, c'est ça? Oui, il va y avoir une cité de la gastronomie dans les lieux de l'Hôtel Dieu qui achève sa réhabilitation. L'Hôtel Dieu que l'on doit à Soufflot, le très grand architecte du XVIIIe siècle, et en particulier avec son dôme en bord de fleuve, donc qui est un marqueur urbain très fort pour la ville de Lyon. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Xavier de la Selle, vous disiez qu'il y a une historiographie de cette histoire et de cette identité. Quand je vous entends dire la gastronomie, la soie, le cinéma et la lumière, dans les musées Gadane, il y a aussi le musée des marionnettes. J'ai envie de dire, Guignol n'est plus du tout à la mode aujourd'hui dans l'identité lyonnaise. C'est quelque chose d'un peu poussiéreux, Guignol, pour les Lyonnais? Mais je sais pas, il faudrait faire un vrai travail de recherche pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour de Guignol. Mais c'est vrai que il y a eu un moment très précis au début du 20e siècle où le milieu politique lyonnais avec Édouard Herriot en particulier a choisi de faire de Guignol la mascotte, l'emblème de l'identité lyonnaise. Alors qu'il n'était jusqu'à présent qu'un personnage, qu'une marionnette, en fait est devenu un personnage. Et aujourd'hui, effectivement, quand on se promène dans les rues les plus touristiques du vieux Lyon, on voit Guignol partout. Mais il y a aussi une tradition marionnettique artistique qui reste très vivante, et il y a un travail patrimonial assez ambitieux qui est en train de se mettre en place sur la pratique de l'art de la marionnette, parce qu'à l'échelle mondiale et dans le milieu artistique, Guignol reste encore une référence. Alors, il y a tout de même quelque chose d'intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle Lefort, Xavier de la Selle, c'est que quand on passe d'une ville, la ville de Lyon, à une métropole, on intègre tout un tas d'autres villes qui ont pu se construire en contradiction avec la ville principale, c'est-à-dire que vous avez longtemps été responsable d'un lieu qui s'appelle le Riz, qui est à Villeurbanne, qui a été voulu par le maire de Villeurbanne pour montrer que Villeurbanne, ça n'était pas Lyon, et que c'était une ville à la fois industrielle, ouvrière, urbanistiquement extrêmement moderne avec les gratte-ciels de Villeurbanne, et aussi une ville qui avait longtemps accueilli des couches successives de populations venant d'ailleurs. Et on voyait bien qu'il y avait dans ce projet la volonté de se mettre en polarité négative ou positive vis-à-vis d'une ville de Lyon qui aurait été plus refermée, plus bourgeoise, moins ouvrière, etc. Comment on fait quand on écarte tout cela? Et que tout rentre dans le même espace urbain, Xavier de la Selle. Comment faire pour pouvoir résoudre les contradictions? Là, c'est une grosse question que vous posez là. Je pense qu'on peut déjà commencer par dissocier la structure politique et institutionnelle, le fait qu'il y ait des collectivités qui elles-mêmes composent, chaque commune compose aussi avec une entité plus grande territorialement qui s'appelle aujourd'hui la métropole. Et, oui, mais il y a des récits concurrentiels aussi. Oui, mais comme la Croix-Rousse, qui était une commune jusqu'en 1852, a son propre récit, il y a des Lyonnais qui pourtant habitent à la Croix-Rousse, qui est englobée dans la ville de Lyon, sans parler même de la métropole, et qui se considèrent comme croix-roussiens avant de se considérer comme Lyonnais. Et donc, en fait, il y a un emboîtement. Si on parle des identités, il peut tout à fait y avoir un emboîtement des identités. On peut tout à fait se sentir villeurbanais et appartenir à la métropole lyonnaise, parce qu'il y a un fonctionnement des métropoles, des habitants de la métropole qui se vivent, qui se pensent à cette échelle-là parce qu'ils naviguent, ils circulent. Et puis après, il faut voir comment le paysage politique institutionnel accompagne en fait ces évolutions. Isabelle Lefort, vous ne voyez pas de contradiction entre la possibilité de cet emboîtement de territoire, donc le très local, pourquoi pas la Croix-Rousse par exemple, la ville de Lyon, la métropole et pourquoi pas la région maintenant Auvergne-Rhône-Alpes? Une contradiction, le terme mériterait sans doute d'être retravaillé. Des tensions fondamentales, oui, des tensions parce que l'histoire des différentes communes, parce que des communes maîtresses et des communes dominé. Dominé, oui, dans l'histoire de l'agglomération. Il y a des tensions qui sont des tensions tout à fait évidentes, parce que les différentes communes ne partagent pas la même histoire, n'ont pas eu le même rôle dans le développement de l'économie, en particulier de cet espace. La montée en puissance et l'élargissement de la maille des villes à l'agglomération et aujourd'hui à la métropole ont pour objectif de se donner les moyens à la fois de recoudre ces espaces, et là en particulier les transports jouent un rôle essentiel hein, dans la fabrication métropolitaine, et puis dans des offres qui sont des offres mises en réseau, qui sont appelées à se connecter, à travailler ensemble. De ce point de vue-là, c'est un travail des institutions, mais également des différents acteurs, et en particulier des acteurs associatifs. De façon assez illustrative, je pense que, par exemple, pour le tourisme dont je m'occupe, la compétence touristique est passée au Grand Lyon en 2010. Et ce passage d'une échelle à une autre dans l'opérationnalité touristique manifeste ce glissement, cette volonté de faire glisser l'échelle d'intervention, l'échelle d'action de la ville à la métropole. Mais c'est un chantier continué. Qui prend du temps. Victor Massé de l'Épinay. Oui, je voudrais revenir encore un petit peu sur l'exposition Lyon sur le divan, Xavier de Lasselle. Au début, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, au début du catalogue, nous explique, peut-être est-ce un peu politique, que Lyon est une ville qui va bien et que faire la psychanalyse d'une ville qui va si bien, c'est compliqué. Bon, passons peut-être là-dessus. Faire la psychanalyse d'une ville, c'est néanmoins essayer d'y chercher parfois des névroses, parfois des crispations, des nœuds qui sont toujours noués. Et là encore, l'historiographie, le discours historiographique tient une place. J'ai eu l'impression, en lisant le catalogue, que par exemple, le maire qui a succédé à Édouard Herriot, faut rappeler, était maire de 1905 à 1957, avec une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maire qui a succédé à Herriot, Louis Pradel, qui a été maire pendant une petite vingtaine d'années, de 57 à 1976, constituait une page de l'histoire lyonnaise qui était plus difficile à comprendre aujourd'hui, parce que c'est les années du béton, les années de l'automobile. C'est la Bardieu, c'est le centre Perrache, effectivement, et c'est ce que, dans le catalogue, ils osent appeler l'éjaculation urbaine. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en faisant des rapprochements, puisque l'un des surnoms du maire Louis Pradel, c'était Zizi Béton. Et donc, voilà, il se livre à des jeux de mots. La psychanalyse ne pouvait pas passer à côté. Absolument. Donc, il n'allait pas s'en priver. Mais effectivement, la période Pradel est très marquante et elle est très intéressante, parce que c'est précisément sur la plupart des endroits où la ville a été bouleversée qu'aujourd'hui se posent les grands projets urbains. On refait le projet de la quartier de la Pardieu. On déclassifie l'autoroute qui coupe la ville en deux. Il y a comme ça des endroits qui ont été marqués par l'urbanisme et le béton de l'époque Pradel, et avec la place de la voiture, les berges sur le Rhône, et les berges du Rhône et les berges de la Saône ont été réhabilitées en faisant quasiment disparaître les voitures. Et donc, il y a une situation lyonnaise qui n'est pas forcément unique, effectivement, un peu partout. La situation parisienne, on pourrait en dire autant aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le saut au-dessus ces années, disons, du progressisme. C'est les voies sur berge à Paris, c'est la même chose, vous avez raison, on les interdit à la voiture après les avoir ouvertes dans les années 60 et 70, par exemple. On fait le saut par-dessus cela en se disant c'était une erreur urbanistique, on va faire autre chose, d'une certaine façon. Oui, et en même temps, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment, progressivement, on est arrivé à détester cette période-là dans l'esprit des gens, voir tout en noir, pourquoi les années 60-70 sont synonymes de béton et de voiture, et tout ce qu'on déteste aujourd'hui, tout ce qu'on ne veut plus voir, alors qu'à l'époque, c'était la modernité triomphante. Louis Pradel revient de Los Angeles, il veut qu'on traverse la ville de Lyon sans feu rouge. C'est le slogan. Et pour l'Europe entière, traverse Lyon sans feu rouge. Nous avions consacré un documentaire à cette période Louis Pradel à Lyon, que nous ne pouvons plus écouter sur le site, malheureusement, mais qui traitait justement de cette rêverie. Il y avait Charles L'Elfante en particulier, qui est cité dans le catalogue de votre exposition Lyon sur le divan, Xavier de Lasselle, au musée Gadagne. Donc Charles L'Elfante, qui était un des grands architectes qui ont permis et voulu développer l'urbanisme à la Pradel dans les années 50, 60, 60 et 70 à Lyon. Alors demain, vous allez nous parler d'une autre histoire, une histoire plus ancienne encore, et une histoire mystérieuse. C'est le lion secret dans lequel nous allons entrer avec vous. Une histoire plus ancienne et plus souterraine en tout cas, puisque le documentaire que on a fait avec Anne Fleury est consacré aux arêtes de poissons. Alors les arêtes de poissons, ce sont ces souterrains qui sont sous la Croix-Rousse et qui ont été découverts officiellement en 1959, puis un peu enfoui, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, jusqu'au percement d'un second tube du tunnel sous la Croix-Rousse en 2007, qui a commencé à donner lieu à des recherches archéologiques, des publications assez peu nombreuses. Mais pendant tout ce temps-là, Lyon, qui est la capitale de l'ésotérisme, a produit, des Lyonnais ont produit un certain nombre de discours, plus ou moins historiques, plus ou moins scientifiques, plus ou moins farfelus, mais en tout cas qui ont passionné des Lyonnais, qui continuent d'en passionner aujourd'hui. Et on a essayé de comprendre un peu comment s'articulaient les discours scientifiques et les discours qu'il était peut-être moins sur ces souterrains qui restent tout à fait mystérieux. On écoute un extrait de votre documentaire de demain. On se rend compte que le comblement ici est beaucoup plus important, hein, puisqu'il fait à peu près 1,20 m de haut, alors que dans la plupart des arêtes, il est de quelques dizaines de centimètres. Et le comblement, il est dû à quoi? Je pense qu'il y a quand même une volonté de boucher tous ces puits qui devaient être autant d'obstacles à l'urbanisation à un moment. Hein. À mon avis, il y a une part de comblement volontaire, et puis après, les remblais se sont diffusés plus ou moins naturellement dans l'ensemble du réseau, par les écoulements d'eau notamment. Quand est-ce qu'on a tout déblayé? À partir de 1959 et puis au cours des années 60. Ce qui est dramatique, c'est qu'on a perdu les témoignages des premiers ouvriers qui ont pénétré sur place. On n'a effectivement aucune photo qui montre l'état dans lequel c'était. Il a fallu reconstituer, à partir des maigres documents qu'on a pu découvrir, l'état du réseau avant, par exemple, la construction de cet escalier. Et c'est justement un plan de 1963 qui permet de s'apercevoir qu'à l'origine, à chaque intersection d'arêtes, un puits descend 9 mètres plus bas. Donc les premiers archéologues des années 50-60, quand ils sont arrivés là, ils étaient plutôt plat ventre, enfin courbés en tout cas, ou à genoux pour avancer dans ces galeries. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Et on a un certain nombre de visites également plus anciennes qui ont été faites au 19e siècle, où ça devait être encore plus encombré. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'éléments de départ de galeries, de départ de puits n'étaient pas visibles à l'époque à cause du comblement. On est peut-être face à quelque chose d'important au sens où on n'en a jamais trouvé comme ça jusqu'à maintenant, pour faire simple. Eh bien, préservons-le. Il ne s'agit pas d'aller cacher, planquer quoi. C'est simplement, on ne sait pas ce que c'est, mais notre travail sur des choses qui peuvent avoir une importance concernant l'histoire et l'archéologie, c'est préserver avant que tout soit abîmé et qu'on en perde des éléments de lecture. C'est aussi simple que ça. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, on a toujours les gens qui viennent vous expliquer que Alésia n'était pas là et que c'était ailleurs, qu'on cachait des choses, enfin, et ainsi de suite. La forme du souterrain permettrait de joindre les énergies du ciel, transmises par les puits qui surplombent chaque palier, aux énergies de la terre, recueillies par ces sortes de bras que forment les arêtes. Les participants sont traversés de vibrations subtiles. Une sorte de musique, imperceptible à l'oreille. Je trouvais que c'était important de ramener le sujet du côté des sciences historiques, d'autant plus que je crois que pour le grand public, il y a eu un mélange des genres entre histoire et légende, science et parascience, et qu'on s'y perd un peu en fait dans ce dossier-là, parce que tout est mélangé un peu. Voilà un extrait du documentaire consacré à ces souterrains en forme d'arêtes de poissons sous la Croix-Rousse à Lyon, donc signé Victor Massé-Lépiné et Anne Fleury, qu'on entendra demain. Xavier Dassel, vous n'avez pas évidemment la réponse à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ces souterrains, quand ont-ils été construits? Mais en tant qu'ancien archiviste et ancien directeur de l'Association des archivistes français, ce qu'on dit là, en l'occurrence, il faut les préserver pour pouvoir peut-être les lire plus tard, c'est le bon sens, d'une certaine façon. Ben, complètement, oui, c'est effectivement, on peut qu'aller dans ce sens-là. Ça m'inspire de peut-être deux commentaires. Le premier, c'est de dire que effectivement aujourd'hui, il y a un goût. Alors, c'est pas propre à aujourd'hui, mais le goût pour le secret, le fantasme qui peut se cacher derrière. Il y a même des émissions d'histoire qui s'appellent Secret d'histoire, par exemple. Exactement. Et en fait, il faut simplement que les archéologues, les historiens communiquent mieux sur leurs travaux, mais sans forcément chercher à concurrencer. Il y a de la place pour tout le monde et le récit de la ville appartient à tous. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent raconter des histoires. Si on arrive alors dans des institutions dont c'est le rôle de mettre en perspective les savoirs et les connaissances, effectivement, il faut savoir faire la part des choses. Et même réintégrer les discours supposés farfelus en l'occurrence dans un discours parce que ça dit quelque chose sur la ville. Mais absolument, et en fait ça, pour moi, il y a dans les tiroirs les projets du musée d'histoire de Lyon, il y a l'idée d'une grande exposition sur le secret à Lyon, sur la question du secret à Lyon qui est un sujet très riche et qui est un sujet qui est en dessous de tous les autres d'une certaine façon, qui permet à des générations et des générations d'avoir lu d'une certaine manière l'histoire de Lyon évidemment à l'eau de ses secrets, de ses mystères, etc. etc. Oui, c'est un méta-sujet. Oui, parce que je n'ai pas dit au début que ces arêtes de poisson, on ne sait pas à quoi elles ont servi, c'est surtout ça le grand mystère qui ne cache peut-être pas un secret, mais en tout cas cette histoire nous amène du côté de l'Empire romain, au XVIe siècle et puis au moment des Templiers, et puis à la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Alors, ça fait trop aussi, mais citer tout cela dans les Templiers, les francs-maçons et l'Empire romain. Je ne sais pas si on a eu la place de tout mettre dans le documentaire d'ailleurs, mais enfin, en tout cas il y a farfelu, et puis il y a aussi de l'imaginaire ou du poétique qui est assumé aussi par certaines personnes sur l'histoire. Oui, tout à fait. Merci à vous, donc Xavier de la Selle, et donc on engage nos auditeurs à venir voir jusqu'au mois de juin l'exposition qui se tient au musée Gadagne, Lyon sur le Divan. Merci à vous Isabelle Lefort qui étiez avec nous au téléphone. Vous êtes géographe et professeur à Lyon 2. Sachez que nous avons consacré d'autres émissions à l'histoire de la ville de Lyon et qu'on peut encore les écouter. L'arrivée de l'hygiène à Lyon, c'était un travail de Perrine Kervran dans la Fabrique de l'Histoire, ou encore une balade au musée de l'imprimerie à Lyon, c'était Séverine Liattard. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossetti, Alexandre Dang était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.